ça marche. Ça marche, mais il n'y a plus personne. Hein. Camille, parle à Samuel. Il dit, dis-moi, c'est parti. Parle avec ton portable. Parle avec ton portable à Samuel. Il dit, dis-moi, c'est parti. Ok. Non, j'en ai pas. Mais il n'y a pas d'attente.